Bakula kane kwa teres Bana piri piri halibene ayo Loka joka tane loka loko mis Ruble za londola sanga mukila loko na vape kato Nyama mochoni longa longa nyote kei Ruble za nkakalona tata londole Bakana nyoba sasi mwabianga Yesuru mwa loko nyibeli ngabia lansonga bioli china Ruble za londole Alo kia lo kondo Kufa pekato Makula kansa kiki yo Yo Alfa bonkole Bobo bonkole Bleza moye Bleza moye Bleza londole Bleza moye Bleza londole Bleza moye Ah, Jimmy Bofosa. Blaise Amoy. Blaise Amoy. Blaise Amoy. Blaise Amoy. Blaise Amoy. Blaise Amoy. Blaise Amoy. Adamo Kalonda. Ah, Didier Tambeo. Bakula kakina rondo kae bakula kae. Bakula kakina rondo kae bakula kao. Adabombole. Okula ka papa bomokolo kuma Okula ka nguruba na mpongo Adilondole Komoto nga boke fomi Okula ka hendudu bonongyo Izake manga enkeka Moise Njoli Papa lwe obomito Nazoze makira Tito londole o Arido malokondo Kaneka mama nana londole Baba jaki ya enjoli oh Kaneka mama lili londole Yengo watongo ye bokulaka ye Kuko kuisa kombijue Mokoro wampombo bokulaka oh Mabe ya jideli oh Kako sekonda ye Yaya wili oh bombito Melani masiliwa Siviki boro jwaye Mila siba seke Yuso beba moro oh Ya kwadi toma bokula ka Ya ya jana ero mata e Kumanda bokindo Christophe Alingira e Boka mwe bokula ka Papi boka Mimi bekira o Alise lindula o Mwasi ya yangenge Eki moja jonda masoko Ubi zike Landa za gini na nyama o Mote mama lamu Ah kolonisi ya Boma kwa mama beya Sina yondo Klima yoti Papa josie londole Una kozi saka Nakula kakina londo kao bakula kao Sala yondi sako no pape kato e Londola moye Londola moye Yule se londole Londola moye, vive de Londola, Londola moye. Agence Israël B. Yankee, Bokula ka tenere tumba o. Papa John Berry on de canyon. Isako Patrice. Bokula ka nkulu fai, Atondala. Nera li bote etie, Sabida Konde o. Nera le herete o. Champion Botumbe. Papa na bana odi wangaye abijilombea Kina rondo ka o Mama Valerie Lito Papa koronere o yikomo Jean-Marie Lokanga Jean Yoro Lolenga Koronere jivere o Lungere Denis Kanga Jean Robert Wangate Alua Pemwe Mokondina onion Tanse Delta Colonel Irama, eh, Bokulaka colonel est à bien, non? Il est fidèle et beau salon. Au courant, il est un peu plus. Mais c'est l'andou. Papa général, oh, bah, que moi. Maître Mathias, colonel est franc, oh, bah, non. Bendele kina nguwa bukwa mboso Ya yari konjo kela o Swete boso lo fisto Bendele ba mongo ye Yege grevise Yege kolo vise o wakulaka A papi boto Kose kota wacha e wakulaka Fredi bompanje o Bel kapiso Je suis un peu plus de temps. Christian Boyau. Papa Jimmy n'a pas pu Major Dani Oleko, fils à papa. Colonel Eric. Libres à moi, libres à Londres. Libres à moi, libres à Londres. Major Lilumé, n'auditura. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Eva Begato Maria Iguala Colonel Fangio, il y a 4 saisons Loyo Entambeo, il y a les coins Momo Bocono Yaya Fidele Obosala Il n'y a pas de boulot. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. somedia mbela mozo kuna no kunime Mokula kati no bokana e noye anye ngome Waka ngoto katane papi baso melo E balengena chope ya kila tome Oso e soso pemere ni wako yulili Mokula kasha kinjoli etu mane Isine angana piki bolo lako kanye na mesa Nyama moche ni longa longa nyote jeme Masila Babu nyana nkesa bananzo e lanko nyo Mana keren Nestea lo pulio Etu mela mwya le sakate to chino ngokome Letisa ilofi Kontaka Sama ilofi Kontaka Bila dinge no rumwe Yeye yeye yeye Oyo la kresi mola Bila dinge no rumwe Shifere di che Boka kamono ya luba lango lupe Bozwa ili alanga bozwa ili o Sele koko kiso ba mongo tobo langane Ye ye ye ye ye Wataka koka komole Mbebo molo ya molo nenge Sipiro mbojo Mboko nenge liyo la kambose Losa nyenga jili obere liye Kime hake mucho bulo Kimo mabele lizo konye Baya kume gomba moyo kwe Ekimo le akatata otole Ekino toto makange ne paleo Bolingo, presa bolingo, sangata sangana, ana mongwe bolingo.